L'Assemblée. Montréal. Montréal. J'observe à gauche, j'observe à droite, une nette variation des faits. En fait, ce qu'on perçoit, c'est la violence et la souffrance qui naît. Regrette à fond certaines de ses actions. Évite certains regards, égard à toi, garçon. Certains sont sans pardon, des rues remplies d'émeutes. Des meutes de jeunes qui restent émus. Amène le sort des rues et des victimes, on oeil. J'en amène du renfort pour qu'on t'isole avec les gens forts. Et j'en passe, on se dirige tous sous terre, les bras baissés, mais ça tu n'ignores. À tort et à travers la métropole, on vise le toit. À toi de vivre ta vie, à toi de vivre ta chance. Ton ironie, ton sort, tu l'as entre les mains. Militaire de secte armé de la tête aux pieds, faudra que tu négocies ton chemin. Qui lance la première pierre, ce conjugal impératif et consensus. De la violence conjugale à l'improvise. Improviser, seigneur, à la maison. Faut croire qu'il y a plus de père qui pète les plombs. Je voudrais que certains voient ce que d'autres font, mais pour l'instant, je fais de mon mieux pour rester en vie. C'est pourquoi j'évite les faux pas afin de pas voir mon corps enterré sous la pluie. Les couteaux servent de plus en plus. On croirait dans les vues, mais c'est la vie qui tue. La mort est la même à l'affût des faibles. On fait des formes avec nos mains qui crèvent de faim. Je rêve de paix, mais c'est la guerre qu'on prend en tant qu'humain. Mettons la sagesse à la rue. Y'a plein de gens qui disent savoir sans avoir vu. Passe au passé qui ne revient plus. Parcourant les rues de Montréal. J'ai vu des larmes, je vais les épeler. Parcourant les rues à Montréal. J'ai vu des mères qui ont pardonné. Parcourant les rues de Montréal. J'ai vu des hommes emprisonnés. Parcourant les rues à Montréal. De Montréal. À Montréal. Chaque mot sorti de la bouche peut servir de tremplin ou de voûte à quelqu'un. Par la langue, on construit, détruit des gens posés sous notre chemin. Ma ville est noyée littéralement par des insultes, des blasphèmes. On stimule tous ces jeux. Il faut résoudre des gens qu'on aime moins. Le premier à donner la tape d'encouragement, à poser le bon acte, à utiliser un peu de tact et considérer trop innocent. Les gens sont trop durs dans leur fer et gestes. Les Sélénas provoquent la route, le train d'avion la progresse. À vive valeur, on est tout à bord. Chacun ses torts, on arrête ou bien on endure. À tant que tout le monde petit, la petite fête à l'usure. Tout s'amène pour défier tous et tout survive à l'intérieur de tous. Autre personne touche à la même touche, narquois fait mouche. J'acharne ma pensée à l'extérieur, tout le monde est louche. Et si tu touches pour t'en sortir, il te faudra le bouche à bouche. Éloigne-toi de tout ce qui peut te mettre à l'écart. Tu crois que t'es le plus fort, et bien je t'assure que pour certains tu n'es qu'un junior. Donc c'est n'importe peu. Et si tu veux un bon conseil, n'essaie pas trop de jouer avec le feu. Parcourant les rues de Montréal. J'ai vu des larmes, je vais les séparer. Parcourant les rues à Montréal. J'ai vu des mères qui ont pardonné. Parcourant les rues de Montréal. J'ai vu des hommes emprisonnés. Parcourant les rues à Montréal. De Montréal. À Montréal. J'écorche sur le sol, écorché par le froid dehors. Dérangé sous le décor et délaissé par les hommes à bord de vaisseaux. Visant l'effort à l'aide d'une tentation. Tenté par la traite du gain. Des frères choisissent encore le mal auquel la mort étreint. Repense souvent, sans le moindre avis, la vie est dure. Les durs le savent et se battent sans préavis. J'avise ma famille que dans les rues y'a foule et famine. La mine de garçons attristés devant des gens sonnant le crime au fil des années. J'ai remarqué que la violence est un problème de société. J'ai vu des mères qui ont pardonné. Des enfants sacrifiés, tués, privés de la vie humaine. Je me dois de lever le chapeau à tous ceux qui ont vécu la peine. Le coup donné, la riposte se fait entendre. Entamer le combat sous-entend que tu n'as pas souffert. La chance de prôner la paix, paix aux hommes de bonne volonté. Fais ce que tu as à faire sans faire trop de flas. Dans les moments critiques, garde à tête froide. Tu sais, le respect s'obtient en restant toi. Vois où ça te mènera de montrer les points. Sûrement pas plus loin, la fin justifie les moyens. Tâche de pas finir au coin. Yo, what's up, ici c'est l'Assemblée. On vient plugger une compil qui va sortir bientôt. MTL 2000, Bobertel 2000, yeah. C'est l'Assemblée, ça compile dans le Rainman. Puis la réplique, tu vas avoir un RXS. Ben groupe de Montréal, ben Gloria, c'est 504, les diables. Bientôt c'est chaud, je vous en souviens. Et aussi, Sarah, c'est Ben Rivette, il y a toutes les crews. Busy, et puis j'en oublie d'autres, mais ciao.